Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 34. De la bonté et de la malice des délectations. La délectation est bonne ou mauvaise, suivant qu'elle est conforme ou non conforme à la raison. Il y en a une qui est le souverain bien de l'homme. On peut juger les hommes par les délectations qu'ils s'accordent à eux-mêmes. 1. Toute délectation est-elle mauvaise? Le psalmiste, 34, 4, nous dit, « Délectez-vous dans le Seigneur. L'autorité divine ne saurait nous recommander le mal, donc toute délectation n'est pas mauvaise. » Quelques philosophes de l'Antiquité ont dit que toutes les délectations sont mauvaises, et que, partant, l'homme qui aspire à la vertu doit s'abstenir de tous les plaisirs. Un pareil système aboutirait à fomenter toutes les mauvaises passions. Personne ne pouvant vivre sans quelque jouissance des sens, si l'on enseigne qu'elles sont toutes illicites, on s'y livrera avec plus d'ardeur en voyant ceux-là même qui les défendent sans permettre quelques-unes. Qui ne le sait? Les exemples, en ce qui est des actions et des passions, ont mille fois plus d'autorité que les discours. Note. Tenez pour certain, quoi qu'on vous dise, que les mystiques se trompent ou ne s'entendent pas eux-mêmes, quand ils croient que les saintes délectations que Dieu répand dans les âmes sont un état de faiblesse, ou qu'il leur faut préférer les privations, ou enfin que ces délectations empêchent ou diminuent le mérite. Confère Bossuet. Fin de la note. Pour nous, nous disons que, parmi les délectations, il en est qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises. N'avons-nous pas vu qu'une chose est bonne ou mauvaise par sa conformité ou sa non-conformité avec la raison? La délectation, c'est le repos de la volonté dans un bien, aimé, repos qui vient à la suite d'une opération. Par conséquent, la délectation est bonne, si l'appétit supérieur ou l'appétit inférieur se repose dans un objet conforme à la raison, elle est mauvaise, quand il se repose dans un objet contraire à la raison et à la loi de Dieu. Note. Continuellement le psalmiste exhorte les adorateurs du vrai Dieu à se réjouir, à se livrer au plus doux transport de la joie. Il invite tous les hommes à goûter et à éprouver combien le Seigneur est doux. Saint Paul exhorte de même les fidèles à se réjouir dans le Seigneur, à chanter de tout leur cœur des hymnes et des cantiques pour louer Dieu. Il proteste qu'au milieu des travaux et des peines de l'apostolat, il est comblé de joie. Les saints, dans tous les siècles, ont répété la même chose. Confère Nicolas Bergier. 2. Toute délectation est-elle bonne? Nous ne dirons pas, avec les épicuriens, que toutes les délectations sont bonnes par elles-mêmes, et que toutes celles que l'homme peut s'accorder sont légitimes. Ce système est pernicieux pour la morale et formellement contraire à ces paroles de l'Esprit Saint, les méchants se réjouissent dans le mal, les choses les plus criminelles les font tressaillir de joie. Proverbe 2, 14. Ce qui paraît avoir conduit l'école d'Épicure à cette erreur, c'est que, ne distinguant point entre le bon absolu et le bon relatif, elle ne voulait pas comprendre que ce qui est bon absolument est bon en soi, mais que ce qui n'est pas bon en soi peut être bon pour un homme en particulier dans deux cas. D'abord, lorsque cet homme a une disposition contraire à la nature, comme il arrive dans certaines maladies, telles que la lèpre, où l'on prend des poisons qui sont, absolument parlant, contraires à la complexion humaine, ensuite, lorsque quelqu'un, par suite des passions qui l'aveuglent, estime convenable et bon ce qui ne l'est pas. Cela étant, la délectation, qui est le repos de l'appétit dans le bien, est absolument bonne, lorsque l'objet dans lequel la volonté se complaît est absolument bon. Mais elle n'a qu'une bonté relative ou apparente dès que l'objet n'a pas une bonté absolue et véritable. Il était aisé de voir par là que tout ce qui délecte n'est pas bon de la bonté morale dont la raison est la règle, les biens que l'on désire n'étant pas toujours des biens véritables, toute délectation n'est pas absolument bonne. 3. Y a-t-il une délectation qui soit pour l'homme le souverain bien? La béatitude, qui n'est autre que le repos de l'appétit dans le bien suprême, est pour nous le souverain bien. Écoutons le prophète 3:15-10, « Vous me comblerez de joie par la vue de votre visage, et les délices que je goûterai à votre droite seront éternels. » Il y a, on le voit, une délectation qui est pour l'homme le souverain bien. Platon, qui ne pensait pas, comme les stoïciens, que toutes les délectations sont mauvaises, ni, comme les épicuriens, qu'elles sont toutes bonnes, enseignait que les unes sont bonnes et les autres mauvaises, mais il disait qu'aucune d'elles ne saurait constituer pour nous le bien suprême ou le meilleur des biens. Il se trompait, premièrement, parce qu'il ne considérait que les délectations corporelles, et, sous ce rapport, il était dans le vrai, mais tout le monde sait qu'il y en a d'autres que celles-là. Ensuite, il entendait par le souverain bien le bien absolu, qui est Dieu même, tandis que nous parlons de la jouissance de ce bien, telle qu'elle peut exister dans l'homme, et voilà pourquoi nous disons que, parmi les biens dont l'homme peut jouir, il y a une délectation qui est le souverain bien. 4. La délectation est-elle une règle qui puisse servir à juger le bien et le mal dans les actes moraux? La délectation, dit le philosophe, est une fin principale d'après laquelle on juge le bien et le mal moral. Nous l'avons reconnu, la bonté et la malice morale résidant avant tout dans la volonté, or, la volonté est bonne ou mauvaise par sa fin, mais la fin, qu'est-ce autre chose que l'objet où elle veut se reposer pour sa délectation? Il suit de là que c'est surtout par les plaisirs dans lesquels la volonté des hommes se complaît que l'on doit juger de leur bonté ou de leur malice. L'homme de bien, en effet, trouve son plaisir dans les œuvres de la vertu, le méchant, dans celles du vice. Ce principe, toutefois, ne convient pas aux délectations sensibles, celles-ci ne sont pas la règle de la bonté ou de la malice morale, comme on le voit par les aliments qui causent une égale sensation à l'homme vertueux et à l'homme vicieux, avec cette seule différence que l'un en use selon les conseils de la raison, dont l'autre ne s'inquiète pas. Markendanarchive.org 2020 D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.